prenait tous une petite seconde pour bien penser. Si on prenait tous le temps d'arrêter de ruminer. Si on se disait que la vie est belle, ça ferait peut-être moins mal de se dire que ça va bien aller. J'suis tanné de nous entendre vous se péter. Vous dites la vie est laide, je sais, je le dis moi aussi. Vous plaignez de scroquerie, fucker ces gens qui vous détruisent. Si j'ai le temps pour bien penser, je crois que je vais aller fumer. Le temps d'une top, moins tout se passe. Mais là, c'est faudrait mieux, j'ai l'os. Faut courir dans la vie, fuck it, j'ai mal aux pieds. J'ai eu une journée de merde, fuck it, j'vais aller me tuer. Vous vous comblez de vos péchés, je sais moi aussi, j't'habitue. Aujourd'hui, j'suis votre source de motivation. Donc prenez-moi pas pour un con, faut toujours y aller. Mais un jour à la fois, arrêtez de se dire que c'est la dernière fois. J'ai juste envie de m'envoler vers un monde un peu plus plaisant. J'aurais le temps de bien penser pendant que j'fume ma top, yeah. In this moment, me and you could fly around the sun, land on the moon, watch the world turn as you look down from above. In this moment, I feel so in love. In this moment. Il serait temps que je change. Je me demande depuis des années comment on gagne la maturité. J'ai essayé, je me suis planté, je vais me relever puis recommencer. C'est un travail de longue haleine. J'espère que ça en vaut la peine. Maintenant je fais tellement de cauchemars, je préférais être mort. Tellement stressé que ça fait 3 jours, j'ai pas visité le royaume de Morphée. Voici mes pensées du jour, celles que j'écris le corps lourd. Faudrait peut-être que je me mette à courir, sinon je pourrais en mourir. J'écris le temps d'une top. Ouais, je fume le temps d'une top. J'ai l'amour le temps d'une top, je suis relevé. Ben réveillé mais pas allumé. J'ai encore ben trop de chemin à faire. Allez, venez, suivez-moi vers un monde meilleur. Tant mon cœur recommence à avoir des lueurs. 2020 c'est mon année. Il est pas temps de se frustrer. J'suis rendu solitaire. On me dit que j'ai trop changé. C'est peut-être parce que du baptême j'ai assez donné. Mais si je pourrais reculer, je voudrais recommencer. Non pas un menteur. Oui j'aime le son. Je ne suis pas un con. Je me fonds dans la masse. Please donne-moi ta place. Je rêve d'un monde meilleur. Ben non pas d'un cœur. Je suis sympathique, pas une personne toxique. Je suis pas là pour rien, je mène pas une vie de chien. Je suis un pacificateur, non pas un sans cœur. J'ai un grand cœur. Je suis un player, I don't play with toys. Je suis pas un fuckboy. Parfois j'essaie d'être quelqu'un d'autre, sauf que ça me cause des fautes. J'suis pas studieux, mais j'ai du feu dans yeux. M'trouver une personnalité ne me fait que me rabaisser. J'ai mauvais caractère, des leçons, j'espère que ça va faire. J'suis pas, j'ai compris des affaires. Non, j'suis pas votre mère, j'vous dirai pas quoi faire. Sinon votre vie serait de peine et de misère. J'vois, j'ai tout donné pour essayer de changer. À ce temps, je sais, j'suis qui, puis j'l'ai découvert encore. Le temps d'une top, yeah. Watch the world turn as you look down from above. In this moment I feel so in love. In this moment, me and you could fly around the sun. And lay on the moon. Watch the world turn as you look down from above. In this moment I feel so in love.